Ouais, si je traîne dans les salles, quoi. Si on scanne entre franges, si j'ai du sang sur les mains, si j'ai trop fumé de joint. Et si dès le matin on se lève, mec, c'est pour ramasser du beef cash, éviter l'échec. Concept, si je suis pisté par les decks, comme M-E-L-E-R, faut que je fasse un N-T. Car c'est la merde ici, on dit qu'ainsi sont faites nos vies de Tessie. Et si je dois me refaire, c'est qu'on m'a crevé ou levé. Si je n'ai que terre-terre, c'est sans commentaire. Alors comment me taire? Si je rappe, c'est pour chanter la Césaire. Si c'est la guerre, et si j'achète des armes, c'est qu'on est déter à protéger nos familles et nos femmes. Et si je me crame, c'est pour pouvoir manger. Si je devais plonger, c'est que les boucles ne sont pas de congé. Si je dois songer à me ranger, c'est pas dans le rang des rangers songer. Si je fais partie d'une légion étrange, c'est celle qu'on appelle étranger. Et si j'étais clodo, sans destinée, sans domicile fixe, comme ce clodo, on passe la piste. Si je retourne au bled, c'est sur goudron, on passe sur la piste. Si j'avais t'es seul, j'aurais le seum, sans tout illicite. Et si on me carotte sur la tête de ma reine, vite, vite, évite ma frite. Et si je dois canner pour une histoire de shit, avec les schmitts, j'ai toujours fait le half-lit. Et si je dois me retrouver en psychiatrie, c'est que j'avais braqué la Banque de France à la sortie. Et si on me jalouse, je suis qu'un cassos de Tessie. Un gars qui a pas de chance, voilà mon récit. Si je suis dealer, voleur, receleur, je le serai à vie. Et je serai ravi si on te retrouve dans le ravin. Si je retourne à Meda, c'est pas pour un joint, un joint. Je vois loin, loin, je veux être bien, bien. Et dis au président, ce monde c'est le mien. Si je lâche une arme, c'est pour mes mioches, c'est pour les miens. Si je pense pas à demain, c'est crème de lait, je suis pas en chien. Si je monte un coup, c'est que dans mes poches, y'a rien. Si je suis dos au mur, c'est qu'en face, y'a aucun proche. Si les temps sont durs, je traîne dans la hure. Je te jure, je m'accroche, je leur la raclure, une pointure pour le futur. Et si je suis une ordure, mon écriture est pleine de ratures. Si ma signature te torture, c'est que je suis digne de nature. Si je te demande de payer en nature, c'est que je suis une enflure. Et si je regrette rien, c'est que mon Dieu tient bien. Si je suis musulman, algérien, c'est pour mon bien. Si je suis pas mécréant, c'est que je crains le seul qui nous a créés. Et si je suis gênant, c'est que dans mes gènes, je buzz la souffrance. Si dans le business, faut pas te manier, c'est qu'y a rien à gagner. Si tu donnes tes fesses, ma chétane, faut aller te faire soigner. Et si c'est le cas de moi, faut t'éloigner. Si je suis violent au volant, si j'ai le collant, si je t'attends au tournant, si je tape le terrain, c'est que je suis en chien, c'est pas marrant. C'est la patate, je me fais péter, dis pas aux parents. Porte-toi garant, j'enfile les gants, grand c'est à bout portant. Si t'es partant pour un plan ardent, et si ça déband, c'est avec les dibans, je suis partout. S'il y a un coup, ferme ta bouche, sors les cartouches et couche les partouches. Et si t'en marchouche, tu jazzes de pourchouche. On te met sur la touche, c'est pour te faire la bouche et carlouche. Que des galouches, ici c'est pas le bain douche. Si avec nos mains, on tord des fourches, c'est qu'on fait mouche. Et si on fait nos courses à la source, c'est qu'on a soif de housse. Si les hnouches nous coursent, c'est qu'on débourse. Passe le cabousse, que je les éclabousse. Et si j'en calache, dans les russes, il faut que tu te caches, il faut que tu te pousses. Si en calèche, tu te calotes dans ton derche, je te fais la bouche. Si tu fais une passe, fais-la en douce. Et si j'ai la dèche, comme on pète la dèche, et trop de lâche, on donnait la mèche. Si comme fesse, je te fais cracher, c'est que ta mâchoire a mâché. Si ma vie est une 504 brachée, c'est qu'elle est gagée. Et si je pense à toutes ces vies gâchées, je vais pas te cacher. Si on prend en levrette, c'est pour me t'enculer. Si on regrette, c'est après avoir éjaculé. Si je roule en doublette, c'est qu'elle est tapée, replaquée. Si je déboule en balle, c'est de golden et tu t'étales, pédales. Et si je suis mal galpé, c'est mes bastos que tu vas gober. Si je suis hal, c'est que depuis j'ai digéré. Si j'ai rien et je reste bien, c'est que je suis bel et bien un Algérien. Et si le gaufrier reste rempli, c'est que j'ai géré le RMI. Si ici pas c'est rien l'IMD, faut savoir ramer. Si tu savais pas la vérité, je la ramène sous ton nez. Et si j'en ai bavé, c'est pas à cause des GAV. Si je suis gavé, c'est que mon argent est bien lavé. Si maintenant je suis connu, c'est qu'avec moi faut pas déconner. Et si avec tous les si, j'aurais pu construire un empire pour canner la chemiture et les faire frire.